La scène est dans une place de ville. Arnolphe, qui vient de changer son nom en celui plus aristocratique de « Monsieur de la Souche », est un homme d'âge mûr qui aimerait jouir du bonheur conjugal. Mais il est hanté par la crainte d'être cocu ou cornard. Aussi a-t-il décidé d'épouser sa pupille Agnès, élevée dans l'ignorance, reclue dans un couvent. Il fait part de ses projets à son ami Chrysalde, qui désapprouve la façon dont la jeune fille a été maintenue dans l'ignorance. Arnolphe rencontre ensuite Horace, fille d'un autre de ses amis, qui est tombé amoureux d'Agnès au premier regard, ce qu'il confie sous le sceau du secret à Arnolphe, dont il ignore à la fois le rôle de tuteur et le changement de nom. Horace explique qu'il a pu courtiser la jeune fille et raille ce « monsieur de la souche » qui la retient prisonnière. Arnolphe réprimande Alain et Georgette, ses serviteurs, pour avoir permis à un jeune homme de rencontrer en son absence sa pupille, et il fait venir Agnès sur la place.